Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre d'Isaïe, chapitre 16. Envoyez, Seigneur, l'agneau dominateur de la terre, de la pierre du désert à la montagne de la fille de Sion. Et il arrivera que comme un oiseau qui fuit et des petits qui s'envolent du nid, ainsi seront les filles de Moab au passage de leur nom. Prends conseil, convoque une assemblée. Fais comme une nuit de ton ombre en plein midi. Cache ceux qui fuient, et les errants ne les trahis pas. Mes fugitifs habiteront chez toi. Moab, sois leur retraite contre le dévastateur. Car la poussière a trouvé sa fin, le misérable a été consumé. Il a défailli celui qui foulait aux pieds la terre. Et dans la miséricorde sera préparé un trône. Il s'y assiera dans la vérité, dans le tabernacle de David, un roi, jugeant et recherchant ce qui est juste, et rendant une prompte justice. Nous avons appris l'orgueil de Moab. Ce peuple est très orgueilleux, et son orgueil, et son arrogance, et sa fureur sont plus grands que sa puissance. C'est pour cela que Moab hurlera à Moab, tous hurleront. À ceux qui se réjouissent sur leurs murailles de briques cuites au feu, annoncez leur plaie. Parce que les faubourgs des Ébones sont déserts, et que les maîtres des nations ont coupé la vigne de Sabama. Ces jeunes branches sont parvenues jusqu'à Jazer, elles se sont répandues çà et là dans le désert. Ces rejetons ont été laissés, ils ont passé au-delà de la mer. À cause de cela je pleurerai du pleur de Jazer la vigne de Sabama. Je vous enivrerai de mes larmes, Ézébone et Éléalé. Parce que sur votre vendange et sur votre moisson, est tombée la voix de ceux qui les ont foulés aux pieds. Et la joie et l'exultation seront enlevées du Carmel. Et dans les vignes, on n'exultera ni on ne jubilera. Il ne foulera pas le vin dans le pressoir, celui qui avait coutume de le fouler. J'ai ôté la voix de ceux qui foulaient. À cause de cela, le fond de mon cœur retentira sur Moab comme la harpe, et mes entrailles sur le mur de briques cuites au feu. Et il arrivera que lorsque Moab aura vu qu'il s'est fatigué sur ces hauts lieux, il entrera dans ce sanctuaire, afin de prier instamment, et qu'il ne pourra rien. C'est la parole qu'a dite le Seigneur à Moab anciennement. Et maintenant, le Seigneur a parlé, disant dans 3 ans, comptés comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera enlevée avec tout son peuple nombreux, et il sera laissé petit, est faible et nullement nombreux. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.